si je rappe, c'est pour mes trafiquants. Et ils me critiquent, maintenant je les vois, ils dansent comme dans Brigante. J'aime pas quand tu me racontes ta life dans les SMS. J'aime quand tu ouvres les jambes comme les portes papillons du SLS. Je décris le quartier, Berry Genève. Je m'en tape qu'on paie, c'est pas eux qui font du bénéf. Moi je fume la beuh quand je me sens si seul. Que je me mélange à eux, c'est ça qu'ils veulent. Trop de mecs égaux, tellement je fais le tour. Ils sont pleins de discours, à force ça devient lourd. Qui court, tellement je fais le jour. Ils sont pleins de discours, à force ça devient lourd. Trop de filles aux gens, sans savoir ce qu'ils valent. Moi je garde le sourire, même si des fois je dis mal. Je vois trop de potos souffrir en maison d'arrêt. J'en ai même qui rêvent de s'évader. La belle vie dans les îles, on y pense sans arrêt. Et si un jour on part, on aura fait ce qu'il fallait. Il fallait que je pense à m'en aller. En survêtant, boîte parce qu'ils m'ont trop recalé. Andale, y'a le poteau au palais. Tout le quartier au jugement, ouais, la vision est salée. Trop de bruit qui court, tellement je fais le tour. Ils sont pleins de discours, à force ça devient lourd. Trop de bruit qui court, tellement je fais le tour. Ils sont pleins de discours, à force ça devient lourd. Force ça devient lourd, trop de bruit qui court, tellement je fais le tour.